belle journée à vous. Je vous laisse entre les mains d'Histoire Vivante. Fin novembre 2018, les changements législatifs en Hongrie forcent l'Université d'Europe centrale à Budapest, fondée par George Soros, à déménager en Autriche. L'université a finalement préféré prendre les devants. Plutôt que d'attendre un hypothétique feu vert de la part du souverainiste Viktor Orban, après plus d'un an et demi d'une bataille juridique sans équivalent au sein de l'Union européenne, elle a annoncé en octobre 2018 le déménagement à Vienne de ses cursus internationaux à partir du 1er décembre. Histoire Vivante s'est rendue à l'été 2018 dans cette université à Budapest. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Cette semaine, portrait d'un sociologue hongrois. Eh bien, je suis Viktor Karadi. Savoir et politique. J'ai fait ma carrière de chercheur en sociologie historique à Paris. Itinéraire d'une pensée. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Eh bien, je suis Viktor Karadi, actuellement chercheur associé, chercheur distingué associé de l'Université de l'Europe centrale, de Central European University, qui est une université américaine établie à Budapest. Et en train, si je crois bien aux nouvelles et aux rumeurs de l'époque, enfin de la période, en train d'être expulsé de ce beau pays. Enfin, je ne veux pas entrer dans les problèmes politiques. J'ai fait ma carrière de chercheur en sociologie historique, toujours historisant, historique, à Paris, dans l'Institut de Pierre Bourdieu, qui s'appelait Centre de sociologie européenne de l'éducation et de la culture. Et je suis plus ou moins associé aux collègues qui y travaillent toujours. Cela dit, je suis maintenant à la retraite du CNRS et je suis surtout établi physiquement en Hongrie, dont je suis originaire, parce que c'est mon pays natal. Pourquoi avoir choisi Paris ? D'ailleurs, est-ce Paris qui vous choisit ou vous qui choisissez Paris? Ah ben non, ça aurait été trop beau si Paris m'avait choisi. Non, il y avait des malheurs historiques dans mon parcours, dont la révolution de 1956 qui m'a donné, pour être simple, à la fois l'obligation et l'occasion de me séparer de mon pays. Forme qu'a prise cette séparation, c'était l'immigration. D'abord, je suis resté un an et demi à Vienne, essentiellement pour apprendre un peu d'allemand. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir m'établir à Paris et très vite, assez vite, devenir chercheur. Dès les années 65 exactement, je suis entré au CNRS en juillet 65. Donc c'est une vieille histoire, si vous voulez. Et ma carrière depuis s'est déroulée à Paris essentiellement. Mais quand on change de pays, comme vous l'avez fait par obligation, quittant la Hongrie en 1956, passant par l'Allemagne, arrivant finalement... Par l'Autriche. En Allemagne, c'est très indirectement que je suis passé. Puis Paris, est-ce que, chemin faisant, on va changer sa façon de travailler, ses objets d'études? Est-ce qu'au contraire, l'addition de ces voyages non voulus, non désirés, fabrique, construit quelque chose dans la valise qui va permettre de, déjà au regard d'évoluer? Alors, deux petites notes. Premièrement, c'était un voyage très désiré, enfin, partir à l'étranger et m'établir dans la partie occidentale de l'Europe, surtout à Paris, c'était entièrement désiré. Disons que ça a été précipité. C'était précipité, mais enfin, c'était un mouvement stratégique. Deuxième petite remarque, pour répondre à votre question, bien entendu, tout change avec l'immigration. Il y a deux choses essentielles qui se passent. Premièrement, tout ce qu'on avait comme bagage culturel est plus ou moins et presque entièrement dévalorisé. Et une deuxième chose, c'est qu'il faut tout apprendre, ou presque, de ce qui est nécessaire pour sa carrière d'intellectuel. Donc il y a des pertes énormes et puis des gains aussi énormes. Pouvez-vous préciser quand vous dites dévaloriser ? Dévaloriser au sens où jusqu'à l'âge de 18 ans, même jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque je suis parti à l'âge de 20 ans, mes intérêts se sont, pas entièrement, mais largement limités aux problèmes de la littérature hongroise et de certaines autres littératures. Je lisais évidemment Balzac et Stendhal et Zola aussi, pas mal dans ma jeunesse, mais enfin j'en ai lu aussi presque autant de Tourgueniev, Tolstoï et compagnie, comme les Anglais aussi, puisque je me préparais quand même assez tôt à devenir non pas prof d'anglais, mais enfin faire des études d'anglais, ce que j'ai commencé à Budapest. En fait, j'ai eu la chance de commencer des études à Budapest dans des conditions à la fois très bonne, parce que j'ai été tout de suite reçu, ce qui n'allait pas de soi pour quelqu'un venant des classes moyennes anciennes, et deuxièmement, parce que les études n'étaient pas formidables à l'époque. La qualité des études et surtout la sélection des étudiants. Alors, pour la petite histoire, je peux vous dire que je suis entré à la faculté de Budapest dans la section d'anglais, département d'anglais, en 55, et on était 5 reçus sur une, m'a-t-on dit, soixantaine, 80 candidats, et sur les 5, avec une jeune fille issue d'une famille d'universitaires très connue, j'étais le seul à connaître un peu d'anglais. Et puis nos 3 autres candidats commençaient à faire de l'anglais à l'université même. Alors que parmi les 70 ou 80 candidats, il devait y avoir pas mal qui étaient à un certain niveau d'anglais. Parce que c'était la situation classique de la contre-sélection communiste, où les principes de sélection des étudiants étaient basés sur le système de quotas de classe. Il devait y avoir d'abord un quota d'étudiants issus de la classe, soi-disant classe ouvrière industrielle, un autre quota pour les fils et filles de paysans, et puis un troisième réservé au reste. Et puis beaucoup de candidats étaient exclus d'office en quelque sorte, c'est-à-dire tous ceux qui étaient censés être issus des classes dominantes anciennes. Vous étiez où? J'étais un peu au milieu, parce que mon père était ingénieur et j'étais qualifié comme un fils d'intellectuel progressiste. C'était un peu risqué quand même. C'était une situation donnée. C'était une situation donnée, mais j'ai eu l'heure d'avoir gagné au concours général à la hongroise, qui était malheureusement marqué par le nom du chef du parti de l'époque. Enfin, peu importe. Il s'agissait de littérature. Ça m'a donné accès directement à l'université, c'est-à-dire à l'admission universitaire. Victor Caradi, quand vous vous frottez aux nouveaux chercheurs que vous rencontrez au sein du CNRS à Paris, comment l'accueil se fait-il? Quel est le temps d'intégration? Quelle génération croisez-vous? Des gens de votre âge? Vous êtes jeune? Qu'y a-t-il autour de vous? Je pense que dans toute carrière ou dans tout itinéraire professionnel, il y a deux choses qui sont essentielles. Il y a effectivement quelque chose qui tient à la formation, à ce qu'on a comme bagage culturel. Et il y a un deuxième, c'est la chance. Et bon, je dis ça en connaissance de cause parce que on peut dire que je dois l'essentiel de ma carrière à une situation de chance où j'ai rencontré mon premier mentor qui était Raymond Aron, le regretté organisateur des études sociologiques en France dans les années 60. Enfin, un des deux, parce qu'ils étaient deux avec Georges Gurevitch, mais il était en position tout à fait charnière dans l'organisation des recherches et puis des instances de recherche sociologique, en fondant notamment l'Institut qui survit sous d'autres noms toujours. Et très tôt, cet institut a eu comme collaborateur principal Pierre Bourdieu. Alors Raymond Aron et Pierre Bourdieu, c'est deux forces de la nature, si j'ose dire, dans la sociologie française. Bourdieu a maintenant mis un peu de l'ombrage à la descendance de Raymond Aron, mais je pense que Raymond Aron était très important. Dans les années 60, il était très important parce que c'est quand même lui qui était le personnage qui accueillit certains des meilleurs chercheurs de la jeune génération, dont Pierre Bourdieu, tout d'abord. Il y en avait d'autres, il y avait Passeron et d'autres qui sont très connus. Enfin, bon, l'homme d'accueil, c'était Raymond Aron. Mais le fait que vous veniez de là où vous veniez, est-ce que, à votre entendement, Victor Caradi, cela vous a valu de la part de Raymond Aron un accueil, sinon préférentiel, en tout cas particulier? Certainement pas préférentiel, un peu particulier, je pense. Je pense que du côté des autres membres de son centre, qui était déjà fondé quelques années auparavant, je pense que la date de fondation doit se situer vers 62-63, mais du côté des autres, je pense que ce n'était pas être réfugié hongrois à Paris dans cette situation des années 60, d'avant 68, n'était pas une très bonne chose. Pour Raymond Aron, ça a pu être un facteur, disons, positif. Mais enfin, j'en sais rien, puisqu'on n'en a jamais parlé sur ce thème de façon concrète. Mais je pense que, oui, pour Aron, ça a dû peut-être jouer un peu. Le fait qu'il m'ait accueilli tout de suite, enfin, après ma première rencontre, c'était fulgurant, c'était une sorte de miracle. Après notre première rencontre qui a eu lieu au jour des rois, janvier, donc le 5 janvier 65, qu'est-ce que je dis? Je me souviens que... Jour des rois, c'est-à-dire jour de la galette, hein, précisons bien. De la galette, exactement. Voilà. Exactement, de la galette, où c'est moi qui étais le roi de par là. Ah, bravo, compliment. Mais c'était quelques semaines après, il m'a invité pour devenir son collaborateur, et en m'offrant un poste. Enfin, vous avez quel âge à ce moment-là? J'étais pas très jeune, j'étais déjà dans les 26 ans, oui, c'était ça. Encore un peu gamin quand même. Pas tout à fait, parce que j'ai dû passer quand même par les premières étapes universitaires à Paris, c'est-à-dire j'ai fait une licence d'anglais, une licence de sociaux, et puis quelque chose qui était très intéressant. Une formation de grande qualité, une expertise d'expert démographe. il y avait une nouvelle institution de formation de démographes, assez unique à l'époque, je pense, qu'en Europe. Et j'ai fait ça. Donc j'avais plusieurs entrées dans le monde sociologique dont aucune ne m'a paru à l'époque être des entrées professionnelles véritables. Donc je suis entré comme un blanc-bec en quelque sorte, mais après une conversation avec Raymond Aron, il m'a tout de suite peu après il m'a proposé ça. Donc c'était une sorte de miracle. C'est pour ça que je pense que la chance joue parfois bien son rôle. Victor Caradi, quand autour de vous, des gens qui ne vous connaissent pas encore bien vous interrogent sur votre boulot, sur votre métier, qu'est-ce que vous leur racontez sur votre manière de travailler, sur les choses sur lesquelles vous vous penchez, sur ce que vous lisez, sur ce que vous mettez à jour? Comment vous racontez ça? Alors ça, c'est très difficile parce que ça a changé beaucoup historiquement. Tout au début, mon premier problème, ça c'est un problème permanent des immigrés de la génération qui arrive après leur bac. Et c'est ce qui m'est arrivé. Lorsqu'on arrive après son bac, son apprentissage de la langue de travail qu'on va utiliser ne sera jamais parfait. Jamais optimum. Jamais parfait. Ni optimum, mais au sens parfait, c'est-à-dire il faut continuer à lutter avec et pour la langue toute sa vie, en fait. Ça, je continue même maintenant, bien que j'écris maintenant davantage en anglais qu'en français ou en hongrois, évidemment. Mais je lutte pour et avec la langue, avec les langues. Ça continue, disons. Dans les trois langues, d'ailleurs, que j'utilise principalement. L'allemand, c'est un peu passager. Je m'en sers parfois, mais enfin rarement. Donc, il y a une première épreuve à passer et qu'on passe jamais complètement. Ça se sent un petit peu sur l'accent que j'ai, parce qu'on peut pas s'en défaire après le bac. Il y a des cas favorables, il y a des cas moins favorables. Je pense que mon cas est un peu moyen. Alors, première chose. Deuxième chose, le bac en France donne une formation, le bac philo, donne une formation qui manque aux immigrés, je pense, qui sont pas spécialisés en philo, toujours. C'est-à-dire, il y a un fond d'approche des choses, en particulier parmi les objets de la sociologie, qui sera toujours plus difficile pour les gens qui n'ont pas eu le bac français, dans de bonnes conditions, dans un bon lycée. Et là aussi, je suis conscient que ça m'a beaucoup manqué. Et une troisième chose, c'est qu'il y a tout un univers culturel qui vous manque lorsque vous êtes émigré, parce que vous n'avez pas lu les mêmes journaux que les autres pendant les vingtaines ou trentaines premières années de votre vie, parce que vous n'avez pas lu les prix Goncourt qui sortent chaque année pendant les vingtaines ou trentaines premières années de la vie, etc. C'est-à-dire, il y a un cumul de manques qui restera et qu'on peut pas, pratiquement, on peut pas surmonter. Ce qu'on peut faire, c'est de trouver des objets de travail et de recherche qui vous seront propres et entrer dedans, approfondir vos lectures là-dessus et puis essayez d'y trouver du nouveau et puis d'en faire votre affaire. Précisément, vous vous orientez vers quoi? Alors, c'est très compliqué parce que ça a changé beaucoup. Si vous voulez, en quelques phrases, je peux vous expliquer qu'au début, moi, je me suis pas orienté du tout, mais on m'a, alors là, un deuxième moment de chance, on m'a proposé un travail qui était formidable, extrêmement difficile, inattendu pour moi, qui était très prestigieux en même temps. Enfin, je n'interprète toujours pas très bien comment ça a pu m'arriver. C'est-à-dire, on m'a chargé de réunir les travaux dispersés d'un des auteurs prestigieux à la fois de la sociologie et de l'ethnographie en France, Marcel Mauss. Alors Mauss était une sorte de figure de père fondateur, prestigieux, un peu magique de toute cette génération, surtout des ethnologues évidemment, mais pas exclusivement, en sociologie aussi. L'essai sur les dons, c'était une lecture absolument obligatoire et tout à fait centrale. Donc, faire le point sur les travaux très dispersés de Mauss, c'était une entreprise alors techniquement difficile, mais enfin bon, techniquement tout est faisable, et intellectuellement extrêmement intéressante parce qu'il fallait que j'apprenne tout, ou presque tout, enfin, sauf l'essai sur le don que j'avais lu auparavant pendant mes études de sociaux. L'essentiel de l'œuvre, j'ai dû lire, explorer, trouver. Il fallait aussi trouver beaucoup de textes pour la première fois. Donc c'était très intéressant et pour moi très, parfois très émouvant parce que j'y trouvais des sympathies tout à fait inespérées avec un auteur comme ça, dont j'avais pas entendu parler avant d'arriver en France. Il faut bien dire que j'étais vraiment blanc bec sous ce rapport. Et alors tout ça, j'ai fait en deux. Ça m'a pris quand même 2 ans. Et après, je suis entré dans un champ assez particulier d'études qui était l'exploration des débuts de la sociologie française. Alors, il y avait évidemment l'œuvre de Durkheim. Et tout de suite après Mauss, Bourdieu me disait que pourquoi pas Durkheim. Durkheim aussi a fait des textes publiés, des livres. Mais une bonne partie de ces études sont toujours dispersées et inconnues au grand public, puisque même aux spécialistes, parce que introuvables. Enfin, on ne va pas chercher dans revues sociologiques ou métaphysiques et de morale de la fin du 19e siècle des textes de Durkheim. Donc je me suis fait à la tâche de rassembler les textes dispersés de Durkheim aussi, en 3 volumes également, 3 gros volumes. Donc c'était une sorte d'initiation, malgré moi, parce que j'avais pas cherché, encore une fois, une sorte d'initiation à la fois obligée et un peu enchantée, parce que j'ai fait ce travail d'une façon extrêmement enthousiaste. Enfin, ça m'a emballé d'entrer dans les classiques et puis du coup d'entrer dans une problématique autour de ces classiques qui était en réalité une problématique d'une grande complexité parce qu'il s'agissait des transformations marquées par les réformes républicaines de l'université napoléonienne. Donc je suis là encore pas tout à fait malgré moi, mais enfin un peu malgré moi, devenu un spécialiste des réformes universitaires de la fin du 19e, début du 20e siècle, parce que la sociologie est entrée pas facilement. J'ai fait plusieurs études là-dessus, mais tout de même, entrée de force, je dirais, dans les facultés des lettres, et un peu dans les facultés de droit, grâce à cette espèce d'entreprise qui était dirigée par Émile Durkheim. Donc Durkheim était sûrement le personnage fondateur universitairement parlant, institutionnellement parlant, de la sociologie. Et puis je suis tout de suite passé donc de l'édition des textes à l'étude des conditions, alors très concrètes, institutionnelles, comment les Durkheimiens ont réussi plus ou moins rapidement. Il faut insister sur le plus ou moins parce que c'était pas aussi rapide que maintenant, rétrospectivement, on croit savoir. En fait, c'était très difficile, mais ils ont quand même réussi à imposer la sociologie dans l'université française, ce qui était une grande innovation. Et un rattrapage vis-à-vis d'autres pays? C'est très difficile parce qu'en Allemagne aussi, c'était assez compliqué parce qu'il y avait, c'est vrai, en Allemagne, tout a commencé plus tôt, mais disons la professionnalisation de la sociologie ne s'est pas réalisée beaucoup plus tôt qu'en France. Ça a un peu précédé la France, c'est vrai, mais pas beaucoup. Et alors, de toute manière, c'est un mouvement international parce que à Paris même, à la fin du 19e siècle, il y avait bon les Durkheimiens d'un côté, il y avait les Lepléistes, les élèves de Leplé, qui était un ingénieur et qui est devenu une sorte d'entrepreneur en anthropologie sociale et qui avait toute une école internationale en France, établie en France, dans les pays méditerranéens et ailleurs, même dans les pays nordiques, qui est donc, c'était une grosse entreprise très internationalisée. Et il y avait un troisième groupe même, à côté des Durkheimiens, qui s'appelait eux-mêmes internationalistes, des sociologues internationalistes, mais qui étaient essentiellement un groupe à la fois français et francophone. Et même les étrangers qui s'y joignaient étaient essentiellement francophones. Victor Caradi, on se retrouvera demain pour poursuivre cet entretien, cette rencontre avec vous. On en viendra notamment à vos travaux plus contemporains, ceux qui remontent certainement déjà à un certain nombre d'années, et ceux que vous continuez en l'espèce. On se retrouvera, on est dans votre bureau ici même, à Budapest. On vous remercie encore de cet accueil, et on se réjouit de vous retrouver demain. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Christian Morero, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.